sans phrase, de Gip. En épousant Mademoiselle Diane de Volo, le duc Hugues de Villadage avait mis au mariage les conditions suivantes. Sa femme habiterait avec lui toute l'année le château des Futaies et aurait autant d'enfants qu'il lui plairait à lui d'en avoir. Très jaloux, il interdisait formellement la danse et les robes décolletées. Il ne permettait pas non plus la chasse à cheval. C'était, à certains points de vue, un exercice malsain pour les femmes et de plus, comme il tenait à surveiller ses chiens et ses piqueux, il ne pourrait pas surveiller sa femme et n'aurait pas un instant de tranquillité. La belle Diane, amoureuse de l'argent, du luxe et du plaisir, avait accepté ces conditions les yeux fermés. Elle ne voulait qu'une chose, épouser Monsieur de Villadage et son immense fortune. Aussitôt après la cérémonie du mariage, le duc et la duchesse partirent pour le château des Futaies. Hugues avait demandé à sa femme si elle désirait s'envoler vers Nice et l'Italie, ou si elle préférait au contraire aller tout simplement aux Futaies, et Diane avait répondu « Je désire ce que vous voudrez ». Naturellement, il avait choisi la campagne. Là au moins, il pourrait cacher en paix son bonheur. Rien ne viendrait troubler les transports des premiers jours. Pas de ces chambres d'hôtel aux portes mal jointes, aux cloisons sonores qui sont la joie des voisins et le désespoir des maris. Pas de diversions inquiétantes, beaux voyageurs ténébreux ou promenades trop accidentées, qui, sous prétexte de faire visiter le pays, font rencontrer des aventures ou du moins des chercheurs d'aventures. Au Futaies, calme plat. Pas un voisin ne se permettrait de venir troubler le silence de leur retraite. Ils seraient uniquement l'un à l'autre. Décidément, Diane était l'idéal de l'épouse soumise et confiante en la volonté du maître. Il n'existait peut-être qu'une femme comme celle-là au monde et il avait eu la veine immense de la rencontrer. Radieux, le visage épanoui, il fit monter la jeune fille dans la grande berline attelée en poste qui les emmenait au Futaies, se souciant peu des recommandations et des lamentations attendrissantes des grands-parents inconsolables. Le voyage fut d'abord silencieux. Hugues, qui avait copieusement lunché, se sentait la tête lourde de champagne et l'estomac légèrement embarrassé. Pour s'excuser de n'être pas un plus aimable compagnon, il se donnait à lui-même mille bonnes raisons. Il ne fallait pas effaroucher cette jeune fille. Que diable ! Elle avait beau l'aimer, c'était une jeune fille après tout. Comme telle, il fallait respecter toutes ses pudeurs, au moins jusqu'à l'arrivée. D'ici là, il irait mieux et alors ? Alors il se dédommagerait ferme de la retenue qu'il s'imposait. Quelle superbe créature, cette Diane ! Fraîche, bien en chair, appétissante au suprême degré, et d'une élégance, d'une distinction, l'air d'une reine. Et le duc, voilant à demi son gros regard sensuel, se contentait de serrer tendrement la petite main gantée, emprisonnée dans ses grosses pattes couvertes de touffes de poils roux. Diane le regardait du coin de l'œil à la dérobée. Enfin, elle était riche, puissamment riche, et cela sans mésalliance. Il fallait convenir qu'elle s'y était habilement prise. Elle y avait mis 3 ans, il est vrai, mais elle ne regrettait ni la peine ni le temps puisque le but était atteint. Malheureusement, une dernière corvée l'attend. Corvée inévitable et douloureuse pour son amour-propre. Il faut qu'elle devienne vraiment la femme de ce monsieur qui lui serre bêtement la main. Ah, s'il avait le bon esprit de s'en tenir à cette timide manifestation d'attachement! Elle sait bien qu'il ne la prendra pas de force et qu'elle peut, si bon lui semble, ajourner l'échéance. Oui, mais à quoi bon? Puisqu'un jour ou l'autre, il faudra en venir là. Pourquoi hésiter aujourd'hui? Bon, dans les comédies, ces tergiversations, mais dans la vie réelle, le résultat est à redouter. À mesure que le duc, se rapprochant des Futaies, respire l'air natal, son malaise se dissipe et il devient presque bavard. En traversant la terre patrimoniale, il montre à Diane quelques-uns des petits châteaux environnants achetés par son père dans le but d'éviter les voisinages rapprochés. La jeune femme se sent frémir de colère en pensant que de cette façon, il n'est même pas à compter sur la distraction négative que peuvent apporter des voisins. Décidément, le père était aussi ingénieux que le fils. Hugues ne se doute pas de la contrariété qu'elle éprouve en écoutant ces petits racontars. « Oui, dit-il, les voisins sont très gênants. À cause de la chasse, on a des histoires. Moi d'abord, j'ai toujours des histoires de chasse. » Ah, pense Diane, il est complet. Le duc est lancé, il repart de plus belle. Et puis, vous comprenez, il sera très agréable d'avoir plus tard tous nos enfants autour de nous à une portée de fusil, hein, ça sera gentil. L'aîné des fils aura les étangs, le second, Brie-sur-Écluse. On arrangera pour le troisième les charmis. Il aura des chasses superbes, cet animal-là. J'ai été forcé d'y installer un second équipage et d'y aller chasser un jour par semaine. Les sangliers détruisaient tout. Et les paysans gueulaient comme des putois. Ah, pardon, ma chérie, je m'oublie. Tenez, voyez-vous là-bas ce petit toit pointu? Oui. Eh bien, c'est le toit de la tourelle droite du petit château des Rochers. Oh, celui-là, nous le donnerons à la première de nos filles qu'on mariera. Elle sera à 20 minutes des futaies. On ne peut pas être plus près. Avez-vous encore beaucoup d'autres châteaux? Demande Diane, dont le gracieux sourire cache l'irritation. 2 seulement. Et le duc ajoute finement. Mais j'espère bien avoir davantage d'enfants. D'ici là, nous achèterons d'autres châteaux. Hugues croit que tout ce qui l'intéresse doit intéresser sa femme. Aussi ne lui fait-il pas grâce d'un détail. Ici, les sangliers se réunissent souvent. Là, il faut se méfier. Il y a des fondrières. L'an dernier, on y a perdu les 2 plus beaux chiens de l'équipage. Ça, c'est la maison du vétérinaire, un radical à tout craint, qu'il faut néanmoins avoir à déjeuner de temps à autre. Ah, dame, elle n'est pas toujours amusante, la vie des châtelains. Mais une femme qui, comme Diane, a horreur du monde à proprement parler, prend très facilement son parti de ses petits ennuis. Nous allons nous organiser une petite existence bien tranquille, toujours seuls, tous les 2. Je n'inviterai même plus mes amis à chasser. Je ne veux pas qu'ils vous voient. Diane est horripilée et moulue par cette longue route. Et dire que ce soir, il faudra... Non, elle n'ose pas y penser. Tous les paysans des futaies, rangés en haie dans l'avenue et dans la cour d'honneur, saluent leur nouvelle châtelaine par une triple salve de coups de fusil. Diane est soucieuse. D'abord, les coups de fusil lui causent toujours une impression désagréable. Ensuite, elle est saisie en apercevant l'habitation où elle va passer sa vie. Elle avait bien entendu dire que le château de Vieil-Adage était l'un des plus tristes de France, mais malgré cela, elle ne se le figurait pas tel qu'il se détache sur le soleil couchant. Une masse de granit imposante et lugubre à balcon dentelé, entourée de larges fossés remplis d'une eau noire et dormante. De grandes pelouses d'un vert sombre s'étendent jusqu'à l'entrée du parc touffu, lequel rejoint la forêt des futaies qui donne son nom à l'habitation. Le perron, aux marches couvertes d'une mousse verdâtre, semble n'avoir jamais été foulé, et les étroites fenêtres rappellent les ouvertures timides d'une prison ou d'un cloître. Le duc paraissait adoré de ses paysans et de fait, il devait être bon pour eux. Cela se sentait à la façon amicale dont il accueillit le compliment du maire. Il avait réellement assez bon air, Hugues de Vieil-Adage, campé sur le perron, répondant aux félicitations et recevant les bouquets destinés à la duchesse. Ce colosse gauche, presque ridicule dans un salon, était ici à l'aise dans son véritable milieu. Diane, tout en ayant horreur des inférieurs, se rendit compte qu'il fallait, sous peine de mécontenter son mari, faire contre fortune bon cœur. Elle dissimula donc le sourire moqueusement hautain qui montait à ses lèvres et remercia aimablement monsieur le maire et la population des souhaits de bienvenue qu'on lui offrait. En entrant dans l'intérieur de l'habitation, la duchesse fut encore plus désagréablement surprise. C'était d'un nu, d'un triste. Quelques meubles merveilleusement beaux, il est vrai, mais courant piteusement les uns après les autres. Des parquets de marqueterie dans les salons, des mosaïques de Florence dans le vestibule et autour des cheminées, mais pas un seul tapis. Des portraits couverts d'une épaisse couche de poussière dans des cadres ébréchés et dédorés. Des bibelots, terre cuite, statuettes, dont on distingue à peine les formes tant elles sont noircies et culottées par la quantité de pipes fumées autour d'elles quand les amis du duc se réunissent au futaie pour chasser. Ce qui arrive généralement pendant 6 mois de l'année. Les tentures de vieux 15-16 fanés et les tapisseries des gobelins marquées des 2 L, adossées dans la bordure, ont pourtant grande allure. Mais on sent le manque de confort, presque le délabrement. Pas une fleur, pas un petit coin chaud et intime, pas un paravent ni un coussin. La chambre de Diane est tendue de tapisseries représentant le siège de Troie. C'est lugubre. Le grand lit à colonne torse, garni d'un baldaquin droit, aussi en tapisserie, inspire le désir de dormir dans un fauteuil. Ici, le duc a cru devoir faire mettre un tapis, mais l'engage vivement sa femme à l'enlever. Il croit que les tapis sont choses très malsaines. Ils absorbent et retiennent les microbes. Il faudrait, pour se bien porter, habiter des appartements tout bonnement blanchis à la chaux et dont les fenêtres ne fermassent pas trop hermétiquement. L'air doit circuler. Quant à lui, il trouve ineptes les ameublements modernes. Toutes ces soies, ces chevalets, ces riens encombrants rendent tout mouvement difficile dans un salon élégant, et il aime mieux, pour sa part, franchir à la chasse 10 obstacles que circuler pendant 5 minutes à travers des paravents, des écrans et des vases de fleurs. Diane, les dents serrées, écoutait sans répondre et prenait tout doucement en grippe ce brave garçon qui, pour la première fois, osait lui parler librement. Ce fut bien pire lorsque le dîner fini et la soirée achevée, après l'avoir laissé quelques instants seul avec sa femme de chambre, Hugues revint, tout frémissant, rejoindre celle qu'elle était à lui. Il la trouva immobile et pensive, tout en passant à la hâte un peignoir de cachemire de l'Inde blanc, hermétiquement clos. Elle avait réfléchi avec terreur aux événements qui allaient s'accomplir. Elle entrevoyait enfin la réalité dans toute son horreur. Jusqu'ici, elle n'avait vu que la fortune à acquérir, sans se rendre exactement compte qu'il faudrait la payer. Ce colosse, l'œil allumé, la lèvre tremblante, le geste audacieux, lui paraît une brute. Elle sent qu'elle a trop présumé de ses forces. Jamais elle ne parviendra à mater cet être indompté, qui ne peut en rien la comprendre. Prise d'un immense découragement, d'un profond dégoût, elle abandonne tous ses plans de bataille et reste passive et muette. En s'éveillant, la duchesse examine son mari avec inquiétude. C'est fini. Elle n'aura pas la moindre influence sur lui. Pourquoi a-t-elle ainsi perdu courage? Pourquoi cette inertie qui, en cet instant décisif, a compromis à tout jamais sa puissance? Comme il doit lui en vouloir de cette indifférence absolue. Enfin, ce qui est fait est fait. Et elle regarde la vaste chambre sévère, son ameublement lugubre, sa vieille pendule de boule et ses tapisseries passées. Faiblement éclairée par la veilleuse au palais, le cheval de Troie se dresse en face d'elle, mal planté sur ses jambes raides et écartées, vomissant une armée par son flanc béant. Cet animal stupide, campé juste devant ses yeux, la crispe au dernier point. Le cheval de Troie. Elle en a pour toute sa vie à le contempler ainsi nez à nez. De son côté, le duc, éveillé, réfléchit aussi. Mais il est dans une toute autre disposition d'esprit. Il est véritablement aux anges. La voilà, l'épouse chrétienne, telle qu'il la rêvait, telle qu'il n'espérait pas la rencontrer jamais. Cette douceur angélique, cette passive obéissance, l'ont touchée profondément et l'ont mise surtout à l'aise. Pas de phrase, pas de protestation d'amour. À la bonne heure, et quelle beauté, pauvre petite. Sa chambre n'a pas paru l'enchanter. Il va l'autoriser à la faire arranger à son goût. Il lui doit bien ça, pour l'immense bonheur qu'elle lui donne. Et lorsque Diane se lève, le duc, la prenant tendrement dans ses bras, lui annonce qu'elle peut faire venir de Paris tel tapissier qui lui plaira. « Ma pauvre chérie, cette chambre est peut-être un peu sévère. Transformez-la, ordonnez, bouleversez, tout ce que vous serez sera bien fait. » Diane écoute, stupéfaite du résultat obtenu par son attitude glaciale. Ainsi, au lieu de se laisser aller à sa répulsion naturelle et spontanée, si elle eût cru devoir être affectueuse ou passionnée, cela n'eût pas réussi, non? C'est à n'y pas croire. Et pourtant, il n'y a pas à en douter. Le duc est bel et bien affolé d'elle. Il est 100 fois plus amoureux encore qu'il ne l'était la veille. Il ne la quitte plus des yeux et lui obéit comme un gros chien. Il y a 1 an que le duc de Vieladage est marié et la vieille demeure seigneuriale est transformée. Partout un encombrement de bibelots, de meubles merveilleux, de fleurs, de paravents. Les portraits et les tableaux, débarrassés de la croûte qui les recouvrait, sont admirables. Dans le nombre, un attier, des bateaux, des fragonards, des boyis. Tous les appartements, tous les escaliers sont couverts d'épais tapis, dans lesquels on enfonce jusqu'aux chevilles. Un calorifère chauffé à 30 degrés rend l'air irrespirable et le duc trouve cela parfait. Une 20aine d'amis, toujours à demeure, chassent, pêchent, chantent, valsent, canotent et jouent la comédie avec la duchesse, dont les décolletages et les collants sont célèbres. Les vieilles adages passent 6 mois dans leur hôtel des Champs-Élysées, également restauré. Diane est une intrépide écuyère. Elle a les plus beaux chevaux et les Amazones les plus merveilleusement adhérentes qui aient jamais existé. Elle a persuadé à son mari de louer les Charmilles, Brie-sur-Écluse, les étangs et les rochers à des compagnons de chasse. De cette façon, ils peuvent avoir plus de monde autour d'eux. Souvent, elle se dévoue pour mener l'équipage qui chasse au futaies, tandis que le duc chasse aux Charmilles où les sangliers persistent à faire d'abominables dégâts. Plus belle que jamais, la duchesse est toujours escortée d'un lot d'adorateurs parmi lesquels elle a déjà, dit-on, distingué quelques fervents. Est-ce vrai? Cela ne regarde personne. D'ailleurs, le duc de Villadage est parfaitement heureux et fait part de son bonheur à tous ses amis, leur disant « Les femmes s'enfrasent. À la bonne heure, parlez-moi de ça !» Ainsi s'achève, pas de phrase, de Gypes.